16 ans minimum et un permis comme pour les mobylettes. À partir du 1er octobre, les règles changent pour les vélos électriques les plus puissants. Les enquêteurs cuisinaient aujourd'hui au procès de Bernard Westphal. La juge d'instruction doit aussi expliquer pourquoi elle a très rapidement inculpé d'assassinat l'ex-député. Il y a trop d'élèves dans notre école. Les professeurs de l'Athénée Jean Absila et Terbeck sont en grève depuis ce matin. On leur a imposé deux classes supplémentaires et les infrastructures n'ont pas suivi. Avoir son dossier médical à toute heure et à tout moment, le CHU de Liège et une société ont mis au point une application spéciale pour smartphones et tablettes. Votre journal, Simon Gérard. Bonjour Simon. Bonjour à toutes et tous. Pédaler sans trop se fatiguer, c'est la philosophie du vélo électrique. Mais certains modèles s'apparentent plus à une mobylette qu'à autre chose. Les autorités ont donc décidé de mettre le holà. À partir du 1er octobre, les règles seront plus strictes pour les vélos électriques les plus puissants, ceux qui peuvent atteindre jusque 45 km/h, Sophie Mergen. Oui, dès à présent, les usagers de ces vélos puissants devront désormais avoir 16 ans minimum, disposer d'un permis cyclomoteur ou voiture, porter un casque, être assuré et immatriculé. Une réglementation qui soulage les vendeurs de vélos électriques. Michel Parmentier, propriétaire du magasin IMP Bike. Quelqu'un qui roulerait pour une première fois sur un vélo assistance électrique pourrait être surpris par peu de temps qu'il faut pour arriver à 25 ou 40 km/h. Pour nous, la nouvelle réglementation est très positive parce qu'elle va apporter au domaine du vélo un cadre. Cadre nécessaire puisqu'aujourd'hui entre 25 et 30% des vélos achetés en Belgique sont électriques. Alors où pourront circuler ces vélos les plus rapides? C'est encore flou. Le ministre de la Mobilité, François Belot, veut ouvrir les pistes cyclables, les rues à sens unique et le Ravel Wallon au Speed Pédelec. Mais dans les faits, rien n'est moins sûr. De quoi décevoir les associations de cyclistes. Aurélie Willems, porte-parole du GRAC. La personne qui achète un Speed Pédelec qui est capable de rouler jusqu'à 45 km/h, elle est tout à fait capable de respecter les 30 km/h sur le Ravel. Pour nous, ce qui est le plus dommageable, c'est la place du Speed Pédelec sur la voirie. On aurait préféré qu'il soit considéré comme un vélo plutôt que comme un cyclomoteur. Entre confort des usagers et sécurité, la tension est bien palpable. L'année dernière, on a recensé 500 accidents impliquant des vélos électriques. Le but de la nouvelle législation est avant tout de sécuriser les usagers tout en continuant d'encourager à une mobilité plus verte. Les détails de Sophie Mergen. Deuxième jour de procès pour Bernard Westphal. L'ex-député est accusé du meurtre de sa compagne Véronique Piroton. Bernard Westphal défend lui la thèse du suicide. Alors Fabrice Gérard, vous suivez pour nous ce procès aux assises du Hainaut. À la barre aujourd'hui, eh bien, ce sont les personnes qui ont participé à l'enquête. Oui, effectivement, Simon, depuis ce matin, les enquêteurs et la juge d'instruction viennent faire le compte-rendu de leurs premières constatations, photos, documents, prélèvements, des constatations effectuées dans la chambre occupée par le couple Westphal-Piroton et qui sont, il faut bien le dire, régulièrement mises à mal par l'avocat de l'ancien député Wallon. Est-ce que des objets ont été déplacés avant votre arrivée? Est-ce que des traces ont pu disparaître de la scène de crime? Ou encore, est-ce que des pièces ont pu être perdues sur le chemin du laboratoire? On l'aura compris, la tentative de Jean-Philippe Mayence consiste à mettre à mal les premiers devoirs d'enquête. Il faut dire que depuis hier, on le sait, hein, le corps de Véronique Piroton a été déplacé à la demande des services de secours avant l'arrivée des enquêteurs. Et ce midi, on a le sentiment que plus on entre dans les détails, moins les réponses sont claires. C'est également le cas lorsqu'il s'agit de savoir si depuis le lit où il s'est allongé, Bernard Westphal pouvait voir l'intérieur de la salle de bain. C'est là où le corps sans vie de Véronique Piroton a été découvert. Bref, Simon, vous l'aurez compris, beaucoup de questions, très très peu de certitudes en ce deuxième jour du procès de Bernard Westphal devant les assises du Hainaut. Merci Fabrice Gérard, vous étiez donc en direct des assises du Hainaut. Y aura-t-il grève générale le 7 octobre prochain? La FGTB et la CSC doivent décider aujourd'hui. À la base, tous les syndicats étaient d'accord. Une action devait avoir lieu pour le deuxième anniversaire du gouvernement Michel. Mais le front commun syndical s'est fissuré. Le syndicat libéral hésite. La manifestation nationale du 29 novembre prochain aura bien lieu. À quelle sauce seront mangés les deux députés NVA frondeurs? Hendrik Veuille et Verle Water sont rendez-vous aujourd'hui à 15h. Leur sort sera scellé après cette réunion. Les deux députés ont été écartés de leurs fonctions au sein du parti. Hendrik Veuille et Verle Water sont en fait osés critiquer Bart De Wever, car le président de la NVA a l'intention de reconduire la suédoise et ainsi mettre le communautaire au frigo. Des professeurs de l'Athénée, Jean Absila Etterbeek, sont en grève depuis ce matin. Ils dénoncent la surpopulation de l'école. Depuis 2015, on leur a imposé 2 classes supplémentaires pour faire face aux inscriptions. Le personnel a été renforcé, mais par contre, les infrastructures, elles, n'ont pas bougé malgré les demandes de la direction. Et cela a des conséquences. Écoutez cette professeure de l'Athénée qui préfère rester anonyme. Nous avons un réfectoire qui est conçu pour 96 élèves. Or, nous accueillons aujourd'hui 1236 élèves. Donc, nous n'avons pas assez de sanitaires, nous n'avons pas assez de labos, nous n'avons pas assez de salles de gymnastique. Donc, nous avons obtenu un rendez-vous le 4 octobre. Donc, la ministre accepte de recevoir une délégation. Et donc, nous allons lui redemander de ne plus prendre de classes supplémentaires. Nous aimerions revenir à notre situation de départ, à savoir 8 classes en première. Et bien entendu que tous les travaux qui avaient été promis l'année dernière soient réalisés. Puisque quand on a eu 2 classes supplémentaires l'année dernière, en contrepartie, la ministre, donc c'était Joëlle Milquet, nous avait promis toute une série de travaux. Une interview des propos recueillis par Pierre Vandenbulk. Avoir son dossier médical sur son smartphone ou sa tablette, c'est possible. C'est possible pour les patients du CHU de Liège. L'hôpital a conclu un accord avec une société. Cette société a mis au point une application spéciale pour partager en toute sécurité ses informations médicales. Le créateur de cette application est liégeois. Il s'appelle Vincent Quenen. Et Barbara Schall, c'est sa propre expérience qui l'a poussé à développer cet outil. Avant de créer Andaman, Vincent Quenen développait déjà des systèmes informatiques pour les hôpitaux. Mais c'est effectivement son expérience personnelle qui lui a donné l'idée de cette application. J'ai eu un diagnostic de cancer pour moi-même en 2007 et pour mon fils qui avait 10 ans à l'époque, 3 mois après. Aujourd'hui, Vincent Quenen et son fils sont en bonne santé, mais les choses auraient sans doute été plus simples si les médecins, les différents hôpitaux qu'ils côtoyaient avaient communiqué plus efficacement. Le focus des hôpitaux, c'est quand même l'informatique de l'hôpital et des médecins. Donc, ce n'est pas leur travail de faire des applications pour les patients. Et c'est là que j'ai voulu intervenir. Sur Andaman, le patient peut consulter son dossier médical. Il peut aussi introduire lui-même des données, le résultat d'une prise de sang ou la copie d'une radiographie, par exemple. Car l'idée, c'est aussi que le patient se réapproprie sa santé. Clairement, il y a des patients qui veulent se prendre en main. Et il y a des études scientifiques qui ont été faites et qui montrent que quand le patient participe au traitement et quand il voit son dossier médical, les traitements se passent beaucoup mieux et la qualité du dossier médical augmente très fort parce qu'il n'y a rien à faire, le médecin ne peut pas être au courant de tout. Le patient, il est au courant d'un certain nombre d'informations aussi. Pour l'instant, seul le CHU de Liège collabore au dispositif. Mais l'objectif, c'est d'étendre le système à d'autres hôpitaux wallons et bruxellois. La santé, ça passe aussi par l'alimentation. Mais comment améliorer la qualité de notre nourriture? La Wallonie lance aujourd'hui un projet, les cantiniers. L'objectif, c'est de favoriser le bio, le durable, dans les écoles. À l'Athénée Jean d'Avène de Mons, les jeunes mangent à la cantine régulièrement des légumes produits par les élèves de la section horticulture. Et ça a du bon. Écoutez ce qu'en dit le chef de cuisine Xavier Dupont. D'abord le goût. On a un goût qui se ressent beaucoup plus vite et qui est beaucoup plus naturel. Ça facilite notre travail parce que quand on a des légumes qui ont de la saveur, c'est automatiquement plus facile de l'exprimer qu'un légume qui... Ça veut dire qu'on met moins de sel par exemple? Tout à fait. Hein, là aussi, on met moins de sel parce que c'est ces légumes-là. Et le truc du sel en diminution est vraiment important au niveau découverte du goût pour nos élèves. Est-ce que vous avez un retour de la part des élèves? Je dirais que, en tout cas, ceux qui mangent se montrent satisfaits vu que leurs assiettes sont généralement vides. Surtout qu'il faut savoir que nous avons aussi diminué notre dose de viande pour amplifier notre dose de légumes, par exemple. Donc, quand on trouve l'assiette qui reste vide comme avant, alors qu'on leur a fait manger plus de légumes, je crois que ça, c'est à apprécier, que c'est une bonne nouvelle pour nous et que le travail, en tout cas, correspond à ce qu'ils recherchent. Une interview réalisée par Florence Dussard. Des problèmes de circulation à prévoir dans le centre de Bruxelles cet après-midi. Plusieurs milliers de personnes sont attendues dans le centre. Grande manifestation pour protester contre le TTIP, le traité de libre-échange entre l'Europe et les États-Unis. Restons à Bruxelles, à Saint-Gilles plus précisément. Il y a quelques jours, une fresque est apparue sur l'un des murs d'une maison. Elle est gigantesque et elle représente, figurez-vous, un pénis géant face à cette œuvre. Les réactions, on va dire, sont plutôt mitigées. C'est vraiment inhabituel. Mais c'est bien fait. Et vous pensez qu'il faudrait faire quoi maintenant avec ça? Un coup de peinture. Il faut le retirer? Oui, quand même. Mais ça, c'est des bêtises. C'est des bêtises? Ah oui. On ne peut pas le mettre comme ça. Vous n'aimez pas ce dessin? Non, non, non. Pas de cette manière. Ça donne une impression mauvaise. C'est moche. C'est pas quelque chose en fait en public. Non, ça ne va pas. Il faut l'enlever. Je trouve qu'il y a moyen de faire autre chose plus beau quand même. D'abord, je ne l'avais même pas vu, donc ça ne me dérange pas. Mais je trouve qu'il y a tellement de beaux dessins qui sont faits sur des pans de murs en ville que je trouve qu'on aurait pu faire autre chose. Il y a plein d'enfants ici et devant l'école. Pour moi, ce n'est pas bien. Des avis recueillis par Miguel Allo. L'artiste ne s'est pas encore fait connaître. Et si vous voulez voir de vos yeux vu cette fresque, rendez-vous sur notre site www.rtbf.be/info. Un dernier mot de sport. En sport, on dispute ce soir les premiers 16e de finale de la Coupe de Belgique en football qui voit l'entrée en lice des clubs d'élite. À 20h, le club de Bruges recevra Lommel, un club de division 1B. Une demi-heure plus tard, l'Excel Moucron se déplacera à Dessel qui évolue en division 1 amateur, ancienne D3. Une rencontre qui sera à vivre en direct sur Vivacité. On rappellera que la finale aura lieu le 18 mars prochain au stade Roi Baudouin. Et puis ce soir toujours, l'équipe nationale féminine belge dispute son dernier match qualificatif pour l'Euro 2017, un euro auquel elles sont déjà assurées de participer. Les Red Flames affrontent l'Angleterre, ce sera à 19h. RTBF Mobile Info, Pierre Collarbovi, on l'a dit dans ce journal, il y a une manif anti-TTIP et ça a déjà des conséquences. Oui, effectivement, pas encore vraiment de conséquences, mais enfin on attire vraiment l'attention avec plus de détails que vous avez donné dans le journal. Rue de la Loi à contresens sera donc interdit de circulation parce qu'ils seront là, les manifestants. Rue du Taciturne, rue Joseph II, chaussée des Torbeck, rue Béliard, avenue Lodorien et rond-point Schumann, donc des secteurs à éviter bien évidemment. Alors, des déchets de pneus sont, oui, la manifestation est prévue entre 16h30 et 19h. Des déchets de pneus pourraient vous gêner sur le 42 Namur-Liège à hauteur de Franc-Ouaret. La bande de gauche est neutralisée en direction de Liège. Et puis en ce qui concerne les postes frontières vers la France, c'est sur le 17 Gand-Lille entre Albeck et Neuville-en-Ferrin qu'il y a de petits problèmes. Vous perdez une petite dizaine de minutes. Partagez la route, on s'y met tous. Du 16 au 22 septembre, c'est la semaine de la mobilité. Semainemob.be. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. 13h12 sur Vivacité, c'est la vie du bon côté. On va parler de la chance, Thomas. Alors dites-moi tout, est-ce que je dois filer acheter un Win for Life? Bah écoutez, pourquoi pas? La chance, vous la prendrez cet après-midi. Elle se titille aussi, mon ami. Hein. Donc, si allez, avez... je file. Je vous en prends un? Bah oui, pourquoi pas. Allez. Tentons-la à deux et puis on partagera évidemment à la fin. Ouais, on verra. Non, ça, c'est une autre histoire. Très bien, Simon. On vous retrouvera un peu plus tard et puis les prochaines infos sera à 14h. Vous avez remboursé votre maison et maintenant vous vous demandez que faire de votre argent. Investir, parlons-en. Rendez-vous sur cbc.be/décider d'investir. Jusqu'à 15h sur Vivacité, la vie du bon côté avec Thomas Leridez. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans la vie du bon côté. On vous présente cet après-midi le livre de Marc-Arthur De Waal qui s'intitule « La chance vous boude, réagissez ». Selon l'auteur, même au fond du puits, il y a toujours une solution et elle est en nous. L'auteur vous en révèle les clés pour vous donner la volonté d'aller puiser dans votre moteur l'esprit. Bonjour Marc-Arthur De Waal. Bonjour Thomas. Soyez le bienvenu dans la vie du bon côté, vous êtes l'auteur du livre qui nous intéresse cet après-midi. Vous vous êtes formé en parallèle à la psychologie, la pédagogie et la méthode d'enseignement. C'est l'histoire de votre vie, on peut le dire comme ça, dont on va entre autres parler, mais aussi et surtout un ouvrage sur le développement personnel. Oui, exactement, oui. Ouais. Vous pouvez m'en dire un peu plus? Oui, le départ de ce livre, en fait, ça relate sur les 5 premiers chapitres mon histoire personnelle. Ouais. Toutes les choses que j'ai pu accomplir à cette époque-là, toutes les tuiles qui me sont tombées sur la tête et toutes les solutions que j'ai pu trouver. Et ces solutions, je les ai simplement trouvées en étant positif et surtout toujours avec un rêve derrière la tête. Donc le bouquin se décompose en votre histoire et ensuite ces notions qui sont développées. Hein. C'est ça, oui. Telles que l'écoute, qui est très importante. Observer la nature aussi, ça peut nous aider énormément. Rêver, ça c'est le plus important. Chaque point est expliqué avec sa solution, du rêve à l'idée, la détermination ainsi qu'une attitude positive. Parlez du sourire aussi. Le sourire, oui. Le sourire, c'est un médicament extraordinaire. Ouais. Parce que quand vous rencontrez des gens comme ça dans la rue ou en faisant vos courses, on rencontre souvent des personnes qui sont toutes déconfites là parce qu'ils ont eu des problèmes et tout ça. Et je pense que même en ne les connaissant pas, leur amenant un sourire, ça donne, ça leur offre de l'apaisement. Mmh. Et ça fait du bien, quoi. Un livre qui est écrit avec le cœur, on peut dire ça ? Avec le cœur, oui, tout à fait, oui. Avec votre histoire, et qui est surtout l'histoire de Marc, mais aussi l'histoire de l'homme et de toute sa richesse. Voilà. Ouais. Pourquoi est-ce que vous avez eu envie de coucher tout cela sur le papier, Marc ? Bah, en fait, il y a une dizaine d'années, j'avais gagné une place VIP à Bruxelles, je ne sais plus la salle, c'était en face de l'Atonium, pour participer à un exposé d'un grand conférencier international qui s'appelle Bob Proctor, qui était âgé de 72 ans à cette époque-là. Et quand je suis sorti de là, il y a une idée qui m'a traversé l'esprit. J'ai dit ça, c'est un truc qui me plairait bien. Et ça a persisté pendant des années et des années. Et on vous parlait de quoi dans cette conférence ? Dans la conférence, ouais, en fait, je fais passer le message à travers les conférences qu'il ne faut jamais baisser les bras et qu'il y a toujours une solution à chaque problème, à la seule condition qu'on le décide soi-même. Mm-hmm. Ça, c'est très important. C'est quelque chose sur lequel on reviendra cet après-midi. Venez prendre la parole, vous qui nous écoutez, si vous pensez que vous n'avez pas été gâté par la vie, comme on dit, mais que vous avez réagi et fait en sorte de plutôt bien vous en sortir. Venez aussi nous dire si vous pensez que la chance n'existe pas et qu'avoir de la chance ne veut rien dire. Chaque fois qu'on lance les boules du loto, on en parlait avec Simon, toutes les combinaisons ont une probabilité de sortir. Gagner au loto, c'est vivre un événement parmi plusieurs millions possibles. Selon vous, la chance se provoque-t-elle en génétique ? Autre exemple, on observe que les espèces qui survivent sont celles qui prennent des risques. Prenez-vous ces risques-là. Venez témoigner à ce sujet. Est-ce que vous avez arrêté de croire à votre bonne étoile ? Est-ce que vous vous évaluez plus ? Et est-ce que vous évaluez plus sereinement les événements ? On est ensemble jusqu'à 15h pour intervenir cet après-midi. 070 23 33 23. Le SMS 30 63 50 centimes. Et vous allez voir avec notre invité cet après-midi encore. On prend la vie du bon côté. La vie du bon côté. L'endroit de contexte, on a toujours un bon prétexte pour tomber nos foot of the loom. Quand toi et moi on fait boum boum boum, quand t'es pas là je fais n'importe quoi, je prends les kilos des tequila, je chante les chansons d'Oum Kalsoum, je ne pense qu'à nos boum boum boum. Et tous les bourgeois du 16e se demandent pourquoi je t'aime, pour le voir pas besoin d'un zoom. Quand toi et moi on fait boum boum boum, ta mère, elle a failli tomber par terre en entrant dans le dressing room. Quand toi et moi on faisait boum boum boum, dans les ascenseurs des hôtels, on s'est monté au 7e ciel, on envoie balader les grooms. Quand toi et moi on fait boum boum boum, et tous les bourgeois du 16e se demandent pourquoi je t'aime, pour le voir pas besoin d'un zoom. Quand toi et moi on fait boum boum boum. Reçoit des invités, on ne sait même pas résister. Entre le deal et le coup, y a le temps de faire boum boum boum. C'est vrai que les murs ont des oreilles, que tous les voisins se réveillent. Et c'est comme ça qu'on fait l'amour, quand toi et moi on fait boum boum boum. Et tous les bourgeois du 16e se demandent pourquoi je t'aime. On ne voit pas besoin. Ça fait

Simplement, quand vous avez un projet de tous les jours ou que vos enfants sont réagissent finalement différemment en fonction de l'éducation qu'on leur donne, comment peut-on faire et le bouquin, quand on le lit à son aise, puisque c'est pas un bouquin malheureusement qui peut se lire d'une seule traite, et heureusement, puisqu'à chaque fois c'est un enseignement, donc on prend des petites notes et on retire quelques enseignements, on essaie de les adapter, et comme le nom l'indique, la chance ne vous boude plus, et finalement on se rend compte que en appliquant pas forcément à la lettre, mais en adoptant avec notre caractère, que les choses arrivent étrangement positivement. Pour terminer, est-ce qu'il y a quelque chose que vous avez piqué au bouquin et que vous avez tenté de mettre en œuvre au quotidien, Jean-Bernard ? Principalement avec mes employés, j'ai un restaurant à tourner, oui. Et donc avec mes employés, plutôt que de leur dire écoutez, vous avez mal fait votre boulot, ça n'a pas été fait comme je le pensais, c'est simplement leur venir en disant voilà, que vous pourriez vous améliorer dans votre boulot pour que le client soit encore plus satisfait. Et finalement, ça c'est plutôt que de d'agresser nos employés, on voit ça positivement. Merci à vous Jean-Bernard pour votre intervention et votre éclairage cet après-midi, c'est plutôt flatteur. Le débrief de Jean-Bernard sur votre livre, Marc. Absolument, absolument. Ça fait du bien, au moral surtout, et je souhaite beaucoup de chance à Jean-Bernard. Chance, entre guillemets, parce qu'elle n'existe pas, je le rappelle, mais sont des gens qui ont des rêves, qui les ont mis en application, justement, et de par cette force de caractère qu'ils ont tous les deux, ils en sont, enfin sont des commerçants, mais ils en sont avec un superbe restaurant à tourner qui s'appelle le restaurant Le Richesse, et voilà quoi. Alors c'est un livre qui est préfacé par Louis Michel, qui est ministre d'État et député européen. Pourquoi avoir fait préfacer votre livre par Louis Michel ? Alors là, c'est une petite histoire qui remonte à plusieurs années, de nouveau. Mon épouse et moi-même avons travaillé une saison complète à l'hôtel des Aubépines à Bourin, qui n'existe plus maintenant, ils sont tombés en faillite. Le patron est décédé d'ailleurs. Rapide l'histoire. Ouais, et alors j'avais rencontré Louis Michel à cet hôtel lors d'une réunion privée. Je l'avais écouté et en fin de réunion, j'ai été le trouver, j'ai commencé à parler avec lui. Je me suis rendu compte que c'était un grand monsieur qui savait écouter, qui était humble et qui savait aussi partager. Et surtout, dans cet échange, je sentais vraiment son honnêteté d'écoute. C'est ce qui m'a plu. D'autant que Louis Michel, lui, se reconnaît un peu dans votre livre, puisqu'il démarre en insistant sur le fait que la chance n'existe pas et que seuls nos choix et décisions peuvent influencer. Oui, absolument. En fait, nos choix, ça appartient à chaque être humain, je pense. Si on décide profondément en soi-même de sortir de quelconque situation, on a tout le potentiel pour y parvenir. Si par contre, on reste dans son coin à broyer du noir, comme le disait Jean-Bernard tantôt, ou attendre que ça tombe du ciel, là on n'avancera pas d'un centimètre. Il dit même qu'il est du devoir de chacun de lutter contre les contingences du destin. Oui, et à ce moment-là, il ajoute, si mes souvenirs sont exacts, qu'il aurait pu l'atteindre. Et là, M. Michel avait bien capté dans mes textes que le fait de dire « aurait pu l'atteindre », c'est que personnellement, je ne me suis jamais laissé enfoncer par quoi que ce soit, justement parce que j'ai cet esprit positif depuis toujours, et ça m'a aidé énormément à combattre la vie, parce que la vie, en fait, c'est un combat de tous les jours, c'est toujours des défis à relever, et il faut y aller, quoi. Il y a une phrase qui résume assez bien le livre, toujours dans la préface de Louis Michel, l'homme est acteur de son destin personnel et partenaire engagé et solidaire de celui des autres. Engagé et solidaire, c'est important, ça. Oui, c'est très important, parce que il faut pas être égoïste dans la vie. Il faut pouvoir partager. Et partager... quand je dis donner, on parle pas d'argent. Je parle de sentiments, des sentiments profonds et honnêtes. Et quand on donne, à un moment donné ou l'autre, on a du retour. Ça peut durer 3 semaines, 1 an, 2 ans, mais on a tout le temps du retour. 070 23 33 23 si vous souhaitez réagir comme Jean-Bernard à l'instant au bout du fil. Vous pouvez aussi le faire via la page Facebook de La Vie du Bon Côté ou alors par SMS au 30 63.

La vie du bon côté sur Vivacité. Avec Marc-Arthur Dewal, qui est votre invité cet après-midi jusqu'à 15h, à propos de son livre « La chance vous boude, réagissez ». Anne-Marie sera avec nous d'ici quelques secondes. Un petit mot quand même sur le début du bouquin, après la préface de Louis Michel dont on parlait à l'instant. Marc, vous commencez assez fort le livre, je dirais, en disant que la plupart des gens vivent dans un état moral de médiocrité. Ça veut dire quoi exactement ? Mais ça veut dire tout simplement que c'est, pour moi, ces personnes n'ont plus d'idéal en eux. Et ne rêvent certainement pas. Mmh. Donc, au lieu de vivre leur vie, ils subissent leur vie. Et j'estime que chaque être humain dans ce monde a le droit de vivre sa vie. Donc, il faut aller puiser en soi un peu de volonté. Mais moi, je conseillerais surtout d'aller puiser dans le fond de soi-même un rêve. Je suis certain, tout le monde a des rêves peut-être enfouis depuis des années et des années et des années, ou même depuis la plus tendre enfance. Faut un peu, je vais dire, réfléchir et aller puiser là-dedans. Mmh. Alors votre question, c'est vrai, c'est de savoir s'ils ont suffisamment de motivation pour se fixer des buts, pour parvenir à réaliser leurs rêves justement ? Ben oui, parce qu'en fait, pour arriver, pour parvenir à la réalisation d'un rêve, il faut d'abord en prendre la décision. Mmh. C'est le premier pas à faire. Une fois qu'on a pris la décision, il faut bien se concentrer sur sa motivation. Et bien se concentrer, ben c'est vraiment aller chercher ce qui vous motive le plus. Mmh. Tout le monde est motivé par quelque chose. Ouais. Donc il faut se concentrer là-dessus. Et à partir du moment où on se concentre là-dessus, le chemin débute, quoi. Mmh. En fait, tout le monde... Toutes les personnes qui ont réussi dans les domaines de la politique, de l'art, de la religion, qu'ils ont créé une entreprise ou autre, ont toujours eu cette force de concentration sur leur sujet et ils ont accompli de grandes choses. On va prolonger ce que vous dites avec Anne-Marie qui rejoint la vie du bon côté. On va justement parler de rêve avec elle. Bonjour Anne-Marie. Oui, bonjour Thomas. Soyez la bienvenue, vous nous dites dans le message que vous nous avez envoyé, mon problème c'est que je n'ai pas de rêve, on ne m'a pas appris à rêver, c'est ça ? C'est ça même. D'accord, racontez-nous un peu Anne-Marie. Mais quand on me demande quel est ton rêve, et je me suis déjà posé souvent la question, oui. Non, il n'y a rien. Ça n'évoque rien pour vous ? Non. Alors quand non, on... Quand on vous dit qu'est-ce que vous aimeriez bien faire plus tard dans la vie, qu'est-ce qui, choisir un autre terme, qu'est-ce qui vous ferait rêver, mais qu'est-ce qui vous exciterait de faire, qu'est-ce qui vous plairait le plus, il n'y a rien non plus qui vient. Non. Voilà, je vis, j'ai mon petit bonhomme de chemin, je pratique la pensée positive en plus. Donc, j'essaye de toujours positiver, de voir vraiment le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Donc, je pratique ça et ça m'aide. Oui. Mais vraiment, au point de vue du rêve, je pratique la biodanza. Et la semaine dernière, on devait faire un exercice sur le rêve. La biodanza, c'est quoi exactement ? Ah, la biodanza, c'est une technique de danse où justement on se laisse aller, on travaille la fluidité, on travaille l'énergie. Oui. Et j'ai découvert ça il y a quelques semaines et ça m'aide beaucoup, ça m'aide beaucoup. Mais au niveau des rêves, je n'ai pas su faire l'exercice. Qu'est-ce qu'on peut dire, Marc, à Anne-Marie qui est avec nous et elle ne doit pas être le seul dans ce cas-là. On ne lui a pas appris à rêver non plus, peut-être à s'autoriser de rêver. Bonjour Anne-Marie. Oui, bonjour Marc. Écoutez, moi ce que je peux vous dire, c'est que en ce qui me concerne, moi je ne pense pas qu'il faut faire des exercices pour rêver. Moi je pense qu'il faut, à votre niveau, aller dans votre plus tendre enfance... Quand vous étiez petite fille, il y a certainement quelque chose d'enfoui en vous dont vous avez rêvé à ce moment-là. Et ça, il faut aller le rechercher. Oui. Et une fois que vous avez trouvé une source de rêve, moi, je vous conseille de prendre une feuille de papier divisée en deux colonnes. La première colonne, posez-vous des questions du style... je sais pas moi, qu'est-ce qui serait bien pour moi ? Qu'est-ce que j'ai envie ? Est-ce que vous avez déjà envie de quelque chose au départ ? Est-ce que vous auriez envie de quelque chose, Anne-Marie ? Non. Vous n'avez jamais envie de rien ? Non. Maintenant, je commence à m'autoriser à me faire plaisir. je commence. Donc, quand vous dites vous commencez à vous autoriser à vous faire plaisir, c'est qu'il y a quelque chose qui vous bloque. Oui. Pendant 10 ans, j'ai gardé l'argent que j'avais eu pour mes 40 ans. Et c'est à mes 51 ans que j'ai dit, yes, j'ai trouvé, je me suis acheté une table et des chaises avec l'argent de mes 40 ans. Donc, l'argent est resté 11 ans dans un tiroir. Ah, c'est-à-dire que vous vous autorisez, vous avez mis du temps à vous autoriser quelque chose et. J'ai mis du temps à trouver, oui. Ouais. C'est un réel problème. Juste pour terminer ce que vous disiez, Marc, donc le feuille de papier, deux colonnes et on met quoi dedans ? Deux colonnes, donc en fait, elle se pose des questions, le rêve, j'espère pour Anne-Marie qu'elle va trouver un rêve de son enfance, le mettre sur papier et développer. Et développer ça, on écrit, elle, dans son petit coin, sans personne, et ça va venir tout seul. Normalement, ça va tout seul. Se fixer des objectifs. Voilà, absolument, oui. Merci Anne-Marie pour votre témoignage cet après-midi. Vous aussi, 070 23 33 23. Alors Marc, votre vie professionnelle, on le lit dans le livre, démarre par un premier choix entre contremaître des éboueurs ou facteurs, et là, vous faites votre choix. Ouais, je fais mon choix, mais là, j'avoue sincèrement que ce choix... Avec la façon dont j'écris mon livre, bah ce choix était négatif. Il était négatif parce que à cette époque-là, je me suis dit ouais, Marc, t'as que 16 ans, tu vois pas aller diriger des gens de 40. Bon, donc je me suis sous-estimé de par mon âge, alors que j'aurais certainement pas dû. Ouais. En même temps, dans le bouquin, vous dites que vous, même si vous sentez que vous resterez pas dans cette entreprise-là, vous décidez de vivre l'instant présent, car dites-vous, cet instant-là ne se présentera plus une deuxième fois. Ah non. C'est, en fait, l'instant présent, ben, le mot le dit bien. Hein, c'est là, c'est maintenant, c'est tout de suite. Donc, si vous avez moyen de profiter d'un moment de joie, de bonheur, de réaliser quoi que ce soit, bah faites-le là sur place quand vous l'avez en tête, parce que si vous attendez le lendemain, la veille elle sera toujours la veille, ouais. Et c'est fini quoi. Ce que vous dites et vous le résumez ainsi, saisissez votre chance, ça revient souvent dans le livre. Enfin, je ne l'interprète pas comme ça, mais je vais dire, il faut saisir le bon moment, quoi. Oui, mais en même temps, à partir du moment où le moment se présente, il faut aussi saisir l'opportunité. L'opportunité, mais pas la chance. Parce que pour moi, la chance, ça n'existe absolument pas. Ah ben voilà, vous répondez à l'une des questions ouais, de cet après-midi. Ça n'existe absolument pas, parce que dans ma conception personnelle de la chance, je l'utilise que dans deux situations. Par exemple, je sais pas, moi j'ai un voisin, le fils d'un voisin qui doit passer un examen, je lui dis, écoute, bonne chance pour ton examen. En fait, ça exprime le souhait qu'il réussisse son examen. Et alors après, la deuxième option, on entend souvent, ouais, je vais te donner une deuxième chance. Mais en fait, chance, sous-entendu, on donne une seconde possibilité de réussir ce qu'il n'a pas pu faire la première fois. Qu'est-ce que vous pensez de tout cela ? Pour Marc, la chance n'existe pas. Et pour vous qui nous écoutez, la chance existe-t-elle ? 070 23 33 23 pour intervenir cet après-midi. SMS ou Facebook, c'est possible aussi. Cet instant de détente vous est offert par votre magasin Watteo. Peinture, décoration et revêtement de sol, profitez d'un large choix et des meilleurs conseils. Watteo, chaussée de Namur à Nivelles et sur watteo.be. Mais enfin chérie, qu'est-ce que tu viens de dire, hein? Je viens de dire que là, les poissons clos, ça va une heure, mais une semaine, là je peux plus, j'en ai plein les palmes, rat tout bas. Alors toi tu restes si tu veux, mais moi je vais chez Ford. Mais chérie! Non, je vais chez Ford! Eh oui, résistez à l'appel du tout nouveau et très charismatique Ford Edge, le plus grand SUV de la gamme. Aux Performance Days du 15 au 30 septembre chez votre distributeur Ford, ce sera une vraie performance. Ford, go further. Plus d'infos sur Ford.be. Ton pays est détruit, tu fuis. Chaque nuit, les images de la guerre te reviennent. C'est un cauchemar. Plus de 400 000 enfants syriens ont trouvé refuge au Liban. Grâce à la traumathérapie, une nouvelle vie peut commencer dès la rentrée. Avec vous et Caritas, ils dessinent leur avenir. Faites un don sur caritasinternational.be.

Efficacité présente, en partenariat avec les AP Assurances, l'échappée belge. Sur les petites routes de Provence et à travers les plus beaux coins du Luberon, d'Apt à Fort-Calquier, en passant par Manosque, Cavaillon, Roussillon et une arrivée le 27 septembre au Théâtre des Dons en Avignon. L'échappée belge, avec la complicité des voyages SNCF.com, à suivre tous les jours de la semaine à 14h et le samedi à 16h. Avant, pendant et après la balade, les AP sont toujours à vos côtés. Vivacité vous invite à l'avant-première de Brise de Nice 3. Je m'as bien regardé là. Ouais, d'ailleurs j'aimerais bien avoir ta gueule, mais juste un soir pour Halloween. Jean Dujardin revient avec son personnage culte dans une suite désopilante. Pour y assister en présence de Jean Dujardin le 29 septembre à Bruxelles et Braine-l'Alleud, composez le 0905 56 473. 50 scènes par appel. Etias, bonjour. Bonjour, dites, avec l'Etias Young Driver Bonus, mon bonus malus descend deux fois plus vite, non? Oui, c'est bien ça, si vous ne faites pas d'accident. Ah bah tu vois, papa, que j'avais raison que le bonus malus... Non, elle a pas dû comprendre la question. Mais et donc votre prime aussi descend deux fois plus vite, hein? Ah ouais, dites, ça vous dérangerait de prendre mon père au téléphone? Mais non, mais je sais très bien que ça descend deux fois plus vite. Ce n'est pas pour rien si depuis 2 ans, l'assurance auto Etias est élue meilleure assurance RC auto par Decavi. Comparez votre assurance auto avec celle d'Etias et bénéficiez de 2 mois gratuits. Etias, les efficaces assureurs. Conditions sur etias.be. Construction, perfection, habitat. Week-end portes ouvertes, ces 24 et 25 septembre. Découvrez une nouvelle maison perfection habitat, rue Joseph Wauters, à Crisney. Construction, perfection, habitat. Une exclusivité, Étienne Piron. Mais que s'est-il passé aujourd'hui? Est-ce que vous reconnaissez ceci? À 17h, on fait une pause pour bien comprendre l'actu. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le concept de... Le 5 à 7 de Vivacité, du lundi au vendredi, de 17h à 19h, avec Cyril. Vous trouvez que l'entretien de votre voiture vous coûte trop cher? Pas chez Peugeot Uccle et Peugeot Mésaire. Jusqu'au 31 octobre, bénéficiez d'une remise de 5 fois l'âge de votre auto et tentez de gagner l'entretien à vie de votre Peugeot. Pour vos pneus et kit hiver, nous vous garantissons le prix le plus bas. Nous vous remboursons la différence si vous trouvez moins cher ailleurs. Voir conditions en magasin. La vie du bon côté sur Vivacité. L'avis du bon côté avec vos messages et cette question. Comment trouver la motivation en sachant que l'on subit la routine quotidienne, que le travail mange une bonne partie du temps et la famille le reste, Marc Arthur? Ben, il faut d'abord savoir que les habitudes, si souvent elles sont votre allié, elles peuvent aussi être vos ennemis. Et quand je dis vos ennemis, c'est que rester dans les habitudes, c'est pas toujours positif. Et c'est rassurant, mais c'est pas positif. C'est rassurant, mais c'est rassurant. C'est rassurant parce que ça donne une impression de sécurité qui n'est pas toujours réelle. Par contre, le fait de rester continuellement dans ses habitudes, moi, à mon sens, c'est que la personne se laisse dominer par son esprit. Or, il faut bien savoir que c'est nous-mêmes qui dirigeons notre esprit et pas l'inverse. À partir du moment où on prend la direction de son bateau, si je peux parler comme ça, ça inverse toute la balance. Alors le fait de dire comment trouver la motivation dans les habitudes, la vie de famille, le travail et tout ça, là je dis, si vous décidez, vous, et que vous prenez les rênes et dire « Ouais, bah écoute, moi, je vais prendre un quart d'heure aujourd'hui parce que il faut faire ça », bah il faut le faire. Il faut pas se laisser dépasser, parce que le fait de dire « Ouais, j'ai pas le temps », ça veut dire quelque part que vous refusez de prendre le temps. Mmh. Moi, je le considère comme ça. Maintenant, il y a une toute petite histoire bien simple, sans vouloir offusquer qui que ce soit, certainement pas, mais c'est un exemple type. Il y a l'histoire du panier de crabe. Et dans ce panier, il y a un crabe qui veut sortir. Et il grimpe, et il se fait agripper par les autres. Et les autres leur font tomber dedans à chaque fois. Mais il est tellement motivé, avec son rêve derrière, il dit « Moi, j'en ai marre de rester ici, je sors du panier ». Alors que les autres disent « Non, non, reste ici, on est bien ici ». Eux sont dans leurs habitudes, justement. Dans leur train-train quotidien, ils restent là. À quoi ça sert d'aller voir ailleurs? Voilà, à quoi ça sert d'aller voir ailleurs? C'est que, justement, pour sortir de ses habitudes et vivre son rêve, ce crabe a décidé de sortir et de faire sa vie comme lui l'entend de faire sa vie. Et non pas comme les autres s'attendent à ce qu'il la fasse. Et non pas comme la masse fait. D'ailleurs, quand il y a un groupe qui a une personne qui suit inlassablement le troupeau, on n'en parle pas. Mmh. Absolument pas. Mmh. Mais quelqu'un qui veut faire quelque chose de sa vie, immédiatement, il est sujet à critique et à conversation. Donc ça veut dire qu'il faut une grande force de caractère aussi pour assumer ce que l'on est et ce dont on a envie. Ouais. Ou on a une grande force de caractère, ou on a un rêve. Ça peut être l'un et l'autre d'ailleurs. Ça peut être l'un et l'autre, ça peut être les deux. Merci pour votre question au 3063. Une nouvelle, celle de Karine, que l'on remercie pour son message. Bonjour Thomas, bonjour à votre invité. Je me lance des petits défis, un nouveau par semaine. Et lorsque je le réalise, quel bonheur, j'augmente un peu mon estime qui n'est pas toujours au beau fixe. J'essaye de rester positive en toutes circonstances. Et j'avoue que cela a changé ma vie. Oui, nous avons plein de ressources en nous. Réaction ? Des ressources, tout le monde a des ressources. Il faut simplement aller les chercher. Et c'est vrai qu'avoir une estime de soi, ça commence d'abord par s'aimer soi-même. Je pense que quand on s'aime soi-même, automatiquement on a l'estime de soi-même. Mm-hmm. Parce qu'il y a des gens, on n'y pense pas, mais il y a des gens qui ne s'aiment pas. C'est peut-être comique à dire, mais il y a des gens qui ne s'aiment pas. Avoir l'estime de soi, c'est d'abord se respecter soi-même et s'aimer soi-même. Ça a toujours été votre cas, Marc ? Je pense, oui. En fait, je me suis jamais fait trop de complexes. Pourtant, il y a une époque, je suis grimpé à 142 kilos, mais tout bonne, quoi. J'avais toujours le sourire et tout. Je me suis toujours apprécié tel que j'étais. Ouais, c'est cette estime de soi, cette confiance en vous qui vous a permis d'avancer, de traverser les différentes épreuves. La confiance en moi, parce que je suis quasiment certain que j'ai en moi de la bonté naturelle et de la spontanéité, et surtout de l'authentique. Et ça, les gens le ressentent. Est-ce que tout cela fait écho en vous ? Est-ce que vous êtes d'accord avec Marc que la chance n'existe pas et qu'il faut compter uniquement sur ses capacités ? C'est bien ça l'idée ? C'est ça l'idée. Si vous avez envie de réagir, 070 23 33 23 pour engager la conversation ensemble. On poursuivra le débat juste après l'info de 14h. On est ensemble jusque 15h par SMS 3063 via le Facebook de La Vie du Bon Côté ou au téléphone 070 23 33 23. Quoi de neuf ? Ce soir je suis sur la lune. Allô la terre. Est-ce que tu me reçois ? Quoi de neuf ? Ce soir je danse sur les dunes. En plein désert, les mirages font la loi. Je me laisse entraîner pour mieux m'envoler. Pouvoir toucher le soleil sans même me brûler. Je veux juste planer avant de faner. Que mes démons se réveillent et se mettent à danser. Tout paraît plus beau. Ah, ah, ah, ah. Je veux que tout le monde se réveille et se mette à danser. Je me laisse entraîner pour mieux m'envoler. Pouvoir toucher le soleil sans même me brûler. Je veux juste planer avant de faner. Je veux que tout le monde se réveille et se mette à danser. Quoi de neuf, décoller comme une fusée. Quoi de neuf, j'ai déjà tout misé. Mes démons se réveillent et se mettent à danser. Ah, ah, ah, en musique tout paraît plus beau. Ah, ah, ah, ah. Je veux que tout le monde se réveille et se mette à danser. ferme cette première partie de la vie du bon côté autour de Florent Mott. Et quoi de neuf à l'instant sur Viva? Quoi de neuf? Bah, c'est la suite de notre conversation autour du livre de notre invité cet après-midi, Marc-Arthur de Waal, La chance vous boude. Réagissez. Est-ce que vous croyez à la chance? Est-ce qu'il faut la titiller? Ou alors on est chanceux comme ça par nature? Bref, venez nous dire ce que vous pensez. 070 23 33 23. Le nouveau Mercedes GLC Coupé, un SUV puissant aux allures de coupé, pour franchir les montagnes les plus élevées ou les cases vitesses dans votre rue, pour traverser des paysages enneigés ou les flaques devant votre garage, pour explorer les territoires les plus vastes ou le parking du supermarché. Le nouveau GLC Coupé, pour tous les tours et détours. Découvrez-le lors des journées portes ouvertes du 22 au 25 septembre chez votre concessionnaire agréé Mercedes-Benz. Votre attention, s'il vous plaît. Voici un avis important pour tous les amis. Avez-vous un ami ou une amie qui a besoin d'un espace supplémentaire? Un endroit reposant ou un petit air d'été tout au long de l'année? Donnez à vos amis le tuyau en or, celui de demander conseil au Véranda Willems. Et vous aurez peut-être la chance de gagner un safari plein d'aventures. Ou une croisière exclusive. Découvrez notre action grandiose et participez via toutlemondewillems.be. Willems, maître constructeur en Véranda. Shopping. Finir la semaine par un happy weekend, c'est encore un cadeau du Walu et Shopping. Place au prix d'amis, aux surprises et aux cadeaux. Le plaisir shopping à l'état pur, c'est au happy weekend du Walu et Shopping. C'est 24 et 25 septembre, dimanche compris. Shopping. Walu et Shopping. Diversité 14h. L'info avec Delphine Vreux. Bonjour Delphine. Bonjour. Pourquoi a-t-elle délivré un mandat d'arrêt à l'encontre de Bernard Westphal? La juge d'instruction de Bruges s'explique devant la cour d'assises de Mons. Il y avait suffisamment d'indices pour l'inculper d'avoir tué sa femme, répond la magistrate et elle détaille les blessures constatées par le médecin légiste qui ne correspondaient pas aux déclarations du mari, le sac plastique dans lequel aucune trace de condensation ni de salive n'a été trouvée et le désordre dans la chambre laissant penser à une dispute. Ce matin, Bernard Westphal s'est aussi emporté contre la traduction de ses interrogatoires. Lamentable et truffé d'approximations, poursuit-il. L'audience doit reprendre en ce moment même. Il n'y aura pas de décision avant l'an prochain à propos des allocations familiales à Bruxelles. Le gouvernement bruxellois a commandé une étude à l'université d'Anvers, une étude pour tenir compte des spécificités bruxelloises. La Flandre a déjà donné les chiffres de sa réforme. En Wallonie, les choses se précisent. Nous allons demander d'accélérer, nous déciderons en connaissance de cause et pas avant, explique le ministre bruxellois Pascal Smet. En Syrie, les raids qui ont touché des camions d'aide humanitaire près d'Alep ont fait une vingtaine de morts. Bilan fourni par la Croix-Rouge et le Croissant-Rouge. 20 civils et un humanitaire ont été tués. Ils déchargeaient l'aide des camions. L'entrepôt a également été visé. On ne sait pas qui sont les responsables de l'attaque. Moscou affirme que ni ses avions ni les avions du régime syrien n'ont mené ces frappes. L'ONU réclame une enquête et suspend tous ses convois en Syrie. La météo 20 à 21 degrés, le ciel est dégagé cet après-midi. Demain, après la dissipation de la grisaille, là où il y en aura, le ciel devrait être partout assez ensoleillé et on prévoit de 17 à 22 degrés. Pierre Collard-Bovy, comment ça se passe cet après-midi sur les routes? Mais toujours avec une panne sur le ring de Bruxelles, en intérieur à la sortie du tunnel des quatre bras de Tervuren. La bande droite est neutralisée en direction de Waterloo. Sur le ring de Bruxelles, un petit ralentissement en extérieur entre Zaventem-Hellegem et de Strombeek-Agette en direction de Grand-Bigard. 15 minutes perdues sur le 17 Gand-Lille entre Albeek et Neuville-en-Ferrin, donc au poste frontière vers la France. Et puis on signale un contrôle de vitesse sur le 42 Namur-Liège entre Dossou et Andenne. On rappelle cette manifestation organisée entre 16h30 et 19h, rue de la Loire, rue du Tessiture, rue Joseph II, chaussée des Terbeek, rue Béliard, avenue de Dorgheim, rond-point Schumann sont des quartiers à éviter autant que faire se peut. Les rues dans la zone de départ autour de la rue de la Loire, Sciences, Industrie, Commerce, Pâte, Deux Églises pourront déjà être fermées un peu plus tôt dans l'après-midi. Et surtout, le tunnel Reyers-Centre ainsi que le tunnel Cinquantenaire en direction du centre seront déjà fermés à partir de 15h30. Donc, d'ici une grosse heure, le rond-point Schumann et le tunnel Reyers-Centre pourraient rester fermés jusqu'à 23h. Il faut évidemment s'attendre à des perturbations de circulation dans le secteur, donc évitez-le autant que faire se peut. Partagez la route, on s'y met tous. Du 16 au 22 septembre, c'est la semaine de la mobilité. Semaine-mop.be. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. C'est la vie du bon côté pour vous accompagner, Thomas Lorides. Ah oui, deuxième partie jusqu'à 15h. Deuxième partie autour de notre sujet cet après-midi, le livre de Marc-Arthur de Waal, La chance vous boude. Réagissez. On vous aura également au bout du fil 070 23 33 23. La conversation reprend juste après ça. Vous venez de percevoir votre assurance groupe et vous voulez faire fructifier cet argent. Investir, parlons-en. Rendez-vous sur cbc.be/décider d'investir. De 13h à 15h sur Vivacité, la vie du bon côté. La vie du bon côté, avec vous au bout du fil, on va commencer avec Bertin qui nous rejoint. Bonjour à vous. Bonjour. Soyez le bienvenu sur l'antenne de Vivacité. Je suis tout à fait d'accord avec votre invité parce que si la chance existe, je la trouve impitoyablement injuste. C'est ce que vous nous avez dit dans votre message. Pourquoi cela? Dites-nous tout. Oui. Je me dis pourquoi est-ce que les gens naissent dans une famille pauvre, d'autres dans une famille riche. Pourquoi est-ce que j'ai la chance d'être tiré au sort alors qu'un autre n'a pas cette chance-là, si je peux dire chance entre guillemets. Oui. Donc voilà, je me dis, la chance n'existe pas, c'est juste une opportunité qu'il faut saisir. Et lorsqu'on la saisit, voilà, on peut l'appeler chance, on peut l'appeler comme on veut, mais on a su saisir une opportunité quand elle s'est présentée à nous. Ouais, donc ce qui est important dans ce que vous dites, ce n'est pas cette notion de chance, c'est ce qu'on en fait, la manière dont on va rebondir. Oui, la manière dont on va rebondir. Moi, je m'appuie sur ma propre expérience. Oui. Voilà, moi j'ai connu des problèmes avec la justice, moi. Et avant ça, voilà, je n'étais pas un fan de la lecture, je n'étais pas un fan de la réflexion. Et ma relation avec moi-même était compliquée. Mmh. Alors, pendant cette période très difficile de ma vie, je me suis posé de nouvelles questions. J'ai pu me repositionner et améliorer mon rapport à moi-même. Et à partir de là, j'ai pu créer des choses que je n'aurais pas créées si je n'étais pas dans cette situation-là. Mmh. Aujourd'hui, je suis un entrepreneur et mes affaires commencent à décoller. Mais grâce à cette période difficile que j'ai connue. C'est-à-dire que vous avez tiré les leçons du passé, Bertin, vous avez su rebondir tout en le voulant, c'est un peu ce que nous disait Marc tout à l'heure, vous aviez décidé de rebondir et de repartir du bon pied, c'est ça? C'est ça, mais, tout ça, mais en devenant quelqu'un de bien différent que celui que j'étais avant. Donc aujourd'hui, je ne suis plus la même personne au fond de moi. D'abord, le regard que je pose sur moi-même est différent. Je raisonne différemment, j'affronte la difficulté différemment. Mmh. Et moi, aujourd'hui, je me dis, toute crise, dans tout problème, je peux trouver une source d'opportunité pour envisager les choses différemment. Ça, c'est une chose constructive. Merci à vous, Bertin, pour votre témoignage. Ça doit vous plaire d'entendre ça. Oui, bonjour, Bertin. Bonjour, Thomas. Ben là, c'est Marc qui vous disait c'est bonjour. C'est Marc de Waal ici. Enchaînons, Marc. Oui. Ben, en fait, ce que tu as fait, c'est ton examen de conscience en résumé. Et le fait de faire ton examen de conscience t'a permis, comme t'expliquais tantôt, de te poser des questions et de revoir toutes tes idées sous un autre angle. Ce qui t'a amené à positiver, en fait, quelque part. Et de ce fait-là, de prendre des décisions et de créer et d'entreprendre quelque chose. En l'occurrence ici, une entreprise, d'après ce que je comprends. Ouais, effectivement. Merci à vous, Bertin, pour votre témoignage cet après-midi. On a aussi le message de Rudy qui nous dit par SMS « Bonjour à vous tous, agriculteurs, éleveurs. La chance, je me dis, c'est pour les autres. Et à force de cumuler les tuiles, je n'ai plus de projet, mais je n'ose en plus pas réaliser tout ce auquel je pense, ni les entreprendre, ni les investir, ça me fatigue. » Une réaction ? Oui, absolument. En fait, les tuiles, j'en ai eu un camion, même plusieurs, et je me suis dit que quand on était tombé dans le fond, ben, il restait que deux choses à faire. Ou on reste dans son coin, on sombre et on meurt, ou on refait surface, et on recommence à remonter les marches, une à une. Ouais, alors je vous arrête là. Moi, c'est ce que je me suis dit à un moment dans le bouquin. C'est bien de dire ça, mais en même temps, il faut pouvoir se dire ça. Quand on est au fond du puits, quand on a des tuiles comme ça, apparemment était le cas ou est le cas pour Rudy, c'est pas forcément évident de se dire... Non, j'ai jamais dit que c'était facile. Il y a le bout du tunnel qui est pas loin. J'ai jamais dit que c'était facile. Alors là, je reviens de nouveau avec le rêve, justement. Parce que le rêve, c'est le moteur incessant et éternel à la reconstruction. Soit à la création, soit à la reconstruction. Mmh. Et pour aller chercher de la motivation et pour aller chercher du positif, si on est vraiment dans son coin et qu'on est vraiment plus motivé de rien, la dernière ressource, c'est d'aller puiser un rêve. Ça, c'est la dernière ressource. Et puis, on remonte. On remonte, tout doucement. Maintenant, il faut savoir aussi que chaque action donne une réaction. Si votre action est de penser négatif, vous allez dégager du négatif et obtenir du négatif. Il faut bien savoir que le fameux phénomène d'attraction est bien réel, parce que votre visage reflète exactement vos pensées et ça se lit à l'extérieur. Les gens le remarquent. Donc, il est important de positiver justement pour développer ce phénomène d'attraction vers les autres. Maintenant, pensez positif et vous allez obtenir du positif. Ne dites pas « je vais essayer ». Il ne faut pas essayer, il faut le faire. Si vous essayez, vous vous autorisez déjà vous-même à l'échec, à louper quelque chose. Maintenant, il faut aussi croire en ce que vous faites. D'après ce que je comprends avec le SMS, Thomas me dit « j'ai plus envie d'entreprendre parce que ça n'a pas marché, parce que ça n'a pas fonctionné comme je l'avais pensé. » Est-ce que vous, à ce moment-là, vous en aviez réellement l'envie? Oui, c'est ça qu'il faut chercher. Oui, ben, moi, dans votre bouquin, en même temps, vous distinguez le rêve et l'envie. Hein. Et l'envie, oui, absolument. Ouais. Absolument. Mais vous dites qu'il faut en avoir réellement envie. En fait, le rêve, c'est le départ. Il faut qu'une fois ce rêve posé sur papier, vous en ayez envie de le réaliser. Et après, ben, ça suit. Décider, décision. Motivation, concentration, et c'est parti. Transformer ses envies en rêves. Voilà. Et éviter le négativisme. Éviter le négativisme, ça c'est le plus important de tout. Je vous dis, l'homme est le reflet de ses pensées. Si vous dégagez du négatif, bah, les gens ressortiront que vous dégagez du négatif et votre truc il fonctionnera pas. Parce que ça va se ressentir. Et ça se ressentira sur l'extérieur, sur le contact. Voilà, on exactement. En parlera d'ailleurs d'ici quelques minutes. Merci à toutes et tous pour vos questions. N'hésitez pas, vous pouvez le faire aussi par téléphone. On vous accueille jusque 15h au bout du fil. 070 23 33 23 pour arriver jusqu'à nous. Le SMS donc et vos réactions via le Facebook de La Vie du Bon Côté. Une pause avec Julien Doré et on revient juste après. Et le lac se dessine. Courage, c'est fort, où rien ne respire. Corps contre corps, ciel contre cime. La forêt se tord, l'horizon soupire. T'aimais sur les bords. Sur les bords du lac, ton cœur sur mon corps qui respire, pourvu que les hommes nous regardent amoureux. mets sur les bords du lac, ton cœur sur mon corps qui respire, pourvu que les hommes nous regardent, amoureux de l'ombre. Ça marche très bien pour le nouveau Julien Doré qui s'appelle Le Lac sur Viva. Ça marche tellement bien qu'il est numéro 1 du Tip Top. Votre Tip Top, c'est chaque samedi entre 10h30 et 13h. Il y a le classement officiel et puis il y a surtout votre classement à vous. C'est nouveau depuis la rentrée. Vous pouvez voter tous les jours si vous le souhaitez via notre site vivacité.be. Pour le moment, on est dans la vie du bon côté. La conversation tourne autour du livre de Marc-Arthur de Waal, La chance vous boude, réagissez. Un livre préfacé par Louis Michel. Si vous souhaitez intervenir et nous donner votre témoignage, votre vision des choses sur la chance, entre autres, est-ce que ça existe ou pas? 070 23 33 23. Ce week-end, Vivacité vous invite à la première de l'événement musical de la rentrée parisienne, Les Trois Mousquetaires, le spectacle musical. Avec Olivier Dion, Damien Sargue et David Bann. Les Trois Mousquetaires, retrouvez-les déjà ce soir dès 19h sur Vivacité. Et samedi dès 10h30, dans le Tip Top, Vivacité vous offre vos places pour assister à la première du spectacle le 29 septembre au Palais des Congrès à Paris. Vivacité présente Éric Antoine, Magic Delirium. Magie. Le show magicomique d'Éric Antoine. Un mélange d'humour, de magie, de musique et de grande illusion. On va s'éclater! Au Cirque Royal de Bruxelles le dimanche 6 novembre à 17h. Infos et réservations, ticketmaster.be 02 218 2015. Télé sur la Une. On peut savoir ce qui se passe là? Votre femme est arrêtée pour meurtre. Je vous assure que je suis innocente, j'ai pas tué cet homme. Elle arrête pas de dire qu'elle est innocente. On m'a piégé, il n'y a pas d'autre possibilité, d'accord? Faut à tout prix prouver que c'est un coup monté. Comment se disculper quand tout nous accable? Innocente, votre nouvelle série inédite, mardi soir sur la Une. Ce dimanche sur Vivacité, c'était encore une fois complètement foot. Pour écouter les meilleurs moments du premier talk show radio du foot en Belgique, rendez-vous sur vivacité.be. La grande foire au vin, c'est chez Deleuze. Cette semaine, pour une bouteille de vin espagnol Faustino Reserva 2010 ou 2011 achetée, la deuxième est gratuite. Deleuze, bien acheté, bien mangé. Vivacité présente, en partenariat avec les AP Assurances, l'échappée belge. Sur les petites routes de Provence et à travers les plus beaux coins du Luberon, d'Apt à Forcalquier, en passant par Manosque, Cavaillon, Roussillon et une arrivée le 27 septembre au Théâtre des Dons en Avignon. L'échappée belge, avec la complicité des voyages SNCF.com, à suivre tous les jours de la semaine à 14h et le samedi à 16h. Avant, pendant et après la balade, les AP sont toujours à vos côtés. À la maison, profitez plus et payez moins, grâce à l'Internet et à la télévision digitale d'Orange. À partir de 39 euros par mois, vous rapprochez de l'essentiel. Orange. Jusqu'à 15h, la vie du bon côté. Avec Jean-Pierre au téléphone dans une seconde. D'abord vos réactions sur le Facebook de la vie du bon côté, celle de Laetitia qui dit « Bonjour, oui, il y a souvent une solution à chaque problème, mais ce n'est pas toujours vrai et réalisable. Bien sûr, la chance existe. On n'est pas tous nés sous la même étoile. » On en pense quoi, ça, Marc ? Ben, je pense que le fait d'être, quand, je sais pas ce que cette dame pense, mais le fait de naître, par exemple, dans un milieu pauvre ou un milieu ouvrier ou un milieu où il n'y a quasiment pas de possibilités par rapport à des autres personnes qui naissent dans des grosses familles, dans des patrons d'entreprise et tout. Moi, je ne pense pas que ça a quelque chose à voir dans le sens où ça dépend toujours de la volonté et du rêve de la personne. Moi, je reviens toujours avec ce rêve. Donc on a toutes et tous les capacités de s'en sortir, après tout dépend de ce que l'on en fait, c'est ouais, ça que vous dites? Là je le prouve, parce que si je m'en suis sorti, les autres peuvent s'en sortir aussi. Parce que bon, c'est pas parce que je suis ici aujourd'hui sur Vivacité que je n'ai pas eu ma dose de problèmes. Mmh. D'ailleurs, c'était même à une époque une situation plus que catastrophique, et je m'en suis dépêtré tout seul. Voilà. Et je m'en suis dépêtré tout seul, avec ce rêve en tête, avec ce désir brûlant qui a monté en puissance ces dernières années, et avec cette volonté de vivre ma vie et non pas de continuer à subir tout ce que je subissais. On retrouve votre histoire dans le livre que vous venez de nous présenter cet après-midi. On me demande de le rappeler, je le fais. La chance vous boude, réagissez. C'est aux éditions Fortuna Éditions. Jean-Pierre a lu ce livre. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour Thomas, bonjour MacArthur. Soyez le bienvenu. Qu'est-ce que vous avez lu le bouquin de Marc, hein, Jean-Pierre? Oui. Une réaction, qu'est-ce que vous en avez pensé? Qu'est-ce que vous y cherchiez aussi? Alors pour moi, je pense que le MacArthur a tout à fait raison, la chance n'existe pas. Pour moi, la réussite, le succès, c'est le fruit du travail, c'est la motivation et l'implication dans ce qu'on fait. Oui. Alors tout fonctionne pas toujours, l'échec est possible, mais le tout c'est d'analyser pourquoi ça marche pas et de rebondir. Vous aviez toujours pensé ou c'est ce que le livre a confirmé en le lisant, Jean-Pierre? C'est ce que je pensais, c'est ce que j'ai pensé souvent. Et que le livre m'a confirmé. En fait, je suis d'une nature aussi très optimiste. Donc j'ai eu la chance de rencontrer MacArthur. On a pu discuter ensemble. Et je me reconnais un petit peu dans son tempérament. Je suis aussi toujours de nature optimiste. Et ça aide, c'est vrai, énormément. Voir les choses positivement, on s'en sort certainement beaucoup mieux que de broyer du noir, ça c'est certain. Est-ce qu'il y a des choses que vous avez piquées, entre guillemets, au bouquin de MacArthur pour les mettre en place dans le quotidien? Ah oui, dans le quotidien, je pense c'est toujours d'avoir l'esprit positif de quand on fait des reproches, c'est pas en négatif, mais toujours si on n'a pas bien fait, qu'est-ce qu'on peut faire pour bien faire, pour se mettre pour que les choses soient bien. Je pense que la réprimande n'est pas un bon moyen, il faut faire grandir les gens et c'est en les motivant et en les poussant à faire mieux qu'on réussit, qu'on obtient beaucoup plus des personnes. Est-ce que vous essayez de mettre en place au jour le jour? Tout à fait. Merci à vous Jean-Pierre pour votre témoignage cet après-midi. Motivation, implication, travail, ce sont les mots qui revenaient dans le discours de Jean-Pierre Marc. Oui, en fait, je vais ajouter une chose, c'est que la noblesse de l'esprit humain est d'abord de pouvoir reconnaître ses erreurs. Mmh. Sans reconnaître ses erreurs, on ne peut pas évoluer, on ne peut pas les résoudre. Donc à partir de ce moment-là, on peut avancer. Si on ne reconnaît pas ses erreurs, je peux vous garantir sur mesure qu'on fonce droit dans le mur. Oui, alors justement, pour vous, c'est effectivement important de reconnaître ses erreurs. Vous avez, on n'a pas passé au crible tout votre parcours, vous avez travaillé donc comme facteur, musée, vous avez créé... J'ai créé le musée de l'ancienne poste. Musée de l'ancienne poste, vous avez aussi eu l'idée d'un livre sur la poste. Oui. C'est ni un succès, ni un échec, mais vous rendez quand même compte que ce livre sur la poste s'adresse aux professionnels, c'est bien ça? Ouais, en fait, le livre que j'avais écrit sur l'histoire de la Poste relatait disons les bases de la distribution. Ça relatait aussi l'histoire de la Poste avec le lancement du Géoroute et compagnie, et c'était à certains passages assez techniques, donc certainement réservé uniquement aux postiers. Quoi. Mais en même temps, vous acceptez la critique et vous absolument, actez le absolument. Fait que j'ai le livre n'était pas grand public. Oui, en fait, ce livre, de toute façon, je ne l'ai même pas présenté en maison d'édition. J'avais promis, je m'étais avancé au bourgmestre du Mont-Lenclus d'avoir ce livre pour l'année qui suivait l'ouverture du musée de la Poste, ce que j'ai fait, parce que je tiens toujours parole, et voilà. Et je suis content. Et vous dites quand même dans le livre que vous êtes allé puiser dans votre énergie positive et votre joie de vivre. Oui, oui, parce que quand j'ai été les voir, quand j'ai contacté la première fois la première échevine du Mont-Lenclus, je savais déjà que cette envie d'ouvrir le musée de la Poste, je savais que ce musée de la Poste allait s'ouvrir. Parce que j'avais décidé comme ça et c'était en moi et ça ne pouvait pas en être autrement. Donc pas une question de chance, mais une question de volonté, de détermination, motivation. Ça. Et ça s'est vu sur mon visage, encore une fois, l'effet du miroir. Ouais, alors, on va l'aborder maintenant, cette notion extérieure, puisque vous en parlez depuis tout à l'heure. Cette notion extérieure, ça passe par plusieurs choses. Ça passe tout d'abord, ce que vous dites dans le livre, par une poignée de main. Ça paraît simple, mais c'est pas si simpliste que ça. C'est un geste anodin, mais le fait de dire bonjour à quelqu'un, tendez-lui la main. Pourquoi ? Parce que C'est plus chaud, c'est un bonjour plus chaud. Il y a le contact charnel qui est là. Ça me fait... Allez, j'ai en souvenir, lors de l'exposé de M. Bob Proctor à Bruxelles, pour les gens qui faisaient du commerce, ou les agents commerciaux, ou tout ça, de serrer la main, et même avant 10h le matin. Oui. Par exemple, vous prenez votre pain chez votre boulanger depuis un an ou deux. Bon, vous ne le connaissez pas, vous rentrez dans la boulangerie, bonjour, il y a même des gens qui rentrent, ils disent même pas bonjour, mais bon, ça c'est un détail. Et quand le boulanger est là, et que vous lui dites bonjour et que vous lui tendez la main, le contact est différent. Il y a une perception différente. Et quand vous allez retrouver ce boulanger deux ou trois jours plus tard pour lui proposer votre produit, 9 sur 10, votre produit sera vendu parce que vous lui avez serré la main. Vous aurez initié un contact direct. Alors, il y a la poignée de main, il y a le sourire aussi, on en parlait un peu tout à l'heure. Le sourire est très important parce que, comme je le disais, c'est une forme d'apaisement. C'est une forme d'encouragement aussi, quelque part. Et moi, je dis que tous les gens qui sont atteints de la maladie de faire la tête, le seul médicament... Et il est tout à fait gratuit, c'est notre sourire. On a ça depuis la naissance, il faut l'utiliser. Penser positif, c'est le reflet de notre personne et forcément, ça se voit à l'extérieur. Ça se voit à l'extérieur. Avec le sourire. Avec le sourire, toujours avec le sourire. Condition sine qua non pour que ça marche, pour arriver à ses fins. Bah oui, parce que rendez-vous bien compte, je sais pas moi, vous avez par exemple un entretien d'embauche, vous arrivez, vous vous présentez, vous n'êtes pas motivé, vous êtes négatif... mais vous avez, entre parenthèses, besoin de travailler, ben, 9 sur 10, c'est niet, quoi. C'est niet. Par contre, en arrivant là, enthousiaste, souriant, déterminé, vous avez beaucoup plus de chances d'être embauché que quiconque qui sera présent ce jour-là, peut-être. Venez nous dire ce que vous pensez de toute notre conversation depuis 13 heures maintenant autour de cette notion de chance. Est-ce que vous y croyez? Est-ce qu'il faut la titiller? Venez nous dire que peut-être la vie ne vous a pas gâté, comme on dit, mais que vous avez réagi et fait en sorte de plutôt bien vous en sortir. 070 23 33 23 pour le téléphone, le SMS 30 63. Comment bien manger quand... On veut profiter à fond de l'automne. Oh, j'espère que t'aimes les pommes parce que je sens que ça va être pour la tienne. Pas forcément. L'automne, c'est aussi le mois des poires chez Deleuze. Savourez nos Durandos, doyennés du Comice, conférences et conférences bio. Et leur prix? Un prix à tomber dans les pommes. Ou dans les poires. Jusqu'au 28 septembre, chez Deleuze, le second ravier est à moitié prix. Profitez-en vite. Deleuze. Bien acheté, bien mangé. On n'est pas des pigeons. Vous non plus? Alors rendez-vous demain dès 11h sur Vivacité. Depuis 15 ans, aux établissements Gilson Père et Fils, nous apportons un soin tout particulier à l'aménagement de votre jardin. Envie d'une terrasse, d'un pavage, d'une piscine, d'un jacuzzi réalisé avec des matériaux de qualité? Pensez Gilson Père et Fils, installateur officiel des pergolas Renson. C'est 24 et 25 septembre, portes ouvertes aux établissements Gilson Père et Fils, rue de l'Orne 61 à Mont-Saint-Guibert. Bonjour, c'est Philippe Jauniaux. Ce samedi 24 septembre, c'est la journée du sport en Fédération Wallonie-Bruxelles. Vivacité s'y associe. Nous serons en direct d'Andenne entre 14 et 16 heures pour une émission spéciale consacrée au trophée commune sportive. Avec David Bertrand, nous recevrons également nos sportifs de haut niveau. La fête du sport en Fédération Wallonie-Bruxelles, c'est ce samedi à partir de 14 heures sur Vivacité. Paul McCartney qui s'invitait chez vous depuis 3 minutes dans la vie du bon côté. Encore une petite demi-heure à passer ensemble autour du livre de Marc-Arthur de Waal, La chance vous boude, réagissez aux éditions Fortuna. Si vous aussi vous avez envie d'intervenir, 070 23 33 23. Jusqu'à 15h sur Vivacité, la vie du bon côté avec Thomas Loridez. Et vous faites comme Rudy pour vous retrouver à l'antenne. Bonjour à vous Rudy. Oui, bonjour. Alors, on parlait un peu de votre premier message que vous nous avez envoyé tout à l'heure, celui dans lequel je disais que vous étiez agriculteur, que vous nous disiez aussi par écrit que la chance était pour les autres, et qu'à force de cumuler les tuiles, vous aviez plus de projets, plus envie d'entreprendre, ni d'investir, ni de regarder un peu devant. Ça vous fatigue, c'est ce que vous nous avez écrit. C'est bien ça, Rudy ? Oui, tout à fait. Parce que je pense que, à force d'avoir les tuiles, comme je le dis... Ça pompe toute l'énergie qu'on a, je veux dire. Oui. Je n'étais pas trop d'accord avec le fait de dire qu'on peut toujours s'en sortir. Je suis d'accord, on peut toujours s'en sortir, mais le rêve, c'est bien beau. Mais je veux dire, toutes les personnes n'ont pas les mêmes ressources mentales ni morales pour pouvoir s'en sortir. Alors c'est pour ça qu'on vous a rappelé, parce que ce qui est intéressant, c'est que vous n'étiez pas forcément d'accord avec la réponse qu'a apportée Marc à votre témoignage. Qu'est-ce qui vous empêche aujourd'hui de rêver concrètement ? C'est-à-dire que malgré les tuiles, rêver c'est gratuit, rêver c'est facile, rêver c'est trois petits points. Qu'est-ce qui vous empêche aujourd'hui de rêver, Rudy ? Justement, rêver c'est gratuit, là je suis d'accord, mais réaliser le rêve n'est pas toujours gratuit. C'est ça qui est beaucoup plus compliqué. Oui. Ça vous arrive de rêver ou pas, Rudy ? Oui, rêver, oui, je veux dire tous les jours, 3, 4, 5 fois par jour, et puis après on se dit, voilà, c'est pas réalisable, ou je vais faire quoi, comment le faire, ou ça va quand même mal tourner, ou enfin voilà, quoi, toutes des choses comme ça. Alors Marc, je vous vois réagir, je vous vois avoir envie d'entrer en interaction avec Rudy, Marc. Oui, en fait, moi, ce que je voudrais vous répondre, c'est que vous partez déjà avec l'idée de ne pas réussir ce que vous avez envie de recommencer. Donc, automatiquement, vous êtes nouveau dans le négatif. Bon, je sais bien que c'est certainement pas toujours évident. J'ai vécu des situations abominables aussi. Et c'est vrai que quand on est dans un profond désarroi, c'est très, très, très, très difficile. Mais moi, ce que je pourrais vous conseiller de faire à ce moment-là, c'est de... Je reviens avec ma feuille de papier. Posez-vous des questions. Comment je peux faire pour me sortir de ma situation ? Et répondez. Mettez pour ou contre. Et faites toute une liste de questions dans ce sens-là. Qu'est-ce qui se passe qui ne va pas ? Pourquoi je ne réussis pas ou je loupe telle et telle chose ? Et... Je reviens en nouveau avec mon positif. Il n'y a rien à faire, on ne sortira pas du positif. Il n'y a que le positif, votre esprit positif, qui va pouvoir vous amener à trouver des solutions. Rudy, est-ce que ça vous parle quand même un petit peu, tout ça ? Oui, je suis d'accord. Mais bon, j'avoue que je suis certainement quelqu'un plus négatif que positif. Ça, je suis d'accord. Mais justement, je voudrais faire trouver la solution. Comment sortir du négatif, comme je dis ? Voilà, c'est ça qui est sûrement mon problème. Alors vous avez déjà une petite piste avec le conseil de Marc. Moi, j'avais une dernière question pour vous. Votre entourage vous aide, vous tire vers le haut ou alors vous laisse dans la situation qui est la vôtre aujourd'hui ? Disons que je suis seul, je veux dire, au commandement de mon exploitation. J'ai bien mes enfants autour de moi, mais je veux dire, c'est pas... Je pense que seul, c'est très compliqué de s'en sortir. Et je vais vous faire une confidence. Je suis aidé par Agrico. Je ne sais pas si vous connaissez l'association. Depuis 2012. Et déjà là, je leur avais dit, je pensais m'en sortir beaucoup plus facilement que autant d'années, je veux dire. Et je pense qu'il faut, dans notre situation à nous, je veux dire, agriculteurs, retrouver les gens, les bonnes personnes pour... nous aider quand même à réaliser quand même nos rêves, si on peut dire les rêves, quoi, je veux dire. Voilà. En tout cas, merci de votre intervention cet après-midi, Rudy. On vous souhaite bon courage pour la suite. L'entourage, vous en parlez aussi beaucoup dans le livre, entre autres avec votre première femme. Alors, ce qui est assez étonnant, on ne va pas rentrer dans trop de détails non plus, c'est le fait que vous aviez choisi quelqu'un qui était quasiment à l'opposé de vous, c'est-à-dire vous, vous êtes un peu le chantre du positif et vous choisissez une moitié qui était quand même assez négative, c'est ce que vous dites dans le livre, et pour autant, bah, vous faites avec, vous continuez d'avancer, vous continuez. C'est facile ça d'avoir aussi un entourage qui ne vous aide pas, qui ne vous pousse pas ? Non, c'est pas toujours facile parce que bon, dans mon premier mariage, bon, au départ, moi j'avais des idées plein la tête. Bon, on a eu très vite deux enfants. Trois et cinq ans après notre mariage. Et puis, bon, ben, on tombe de nouveau dans le piège des habitudes. On a notre travail. Mon ex-épouse travaillait, moi je travaillais, les enfants allaient à l'école. C'était devenu une routine. Et du jour au lendemain où les enfants ont quitté le nid familial, ben, je me suis retrouvé là, comme ça, à vide. Et je me suis dit, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? C'est peut-être le moment de revivre allez, une situation amoureuse du départ. Mais dans le fond de moi-même, quand j'ai analysé le tout, j'ai été au service militaire et j'ai connu mon ex-épouse à une soirée de chirurgie dentaire à Lille où un de mes amis avait demandé de donner un coup de main. Et là, à cette époque, elle était avec un garçon. Et en l'espace de 5 mois, quand j'étais démobilisé, au mois d'août, 73, en l'espace de 5 mois, sans la voir souvent, disons une fois ou deux fois par semaine, j'ai seulement commencé à courtiser. Et tout a été terminé, comme ça, du jour au lendemain. Mariage à l'hôtel de ville, mariage à l'église, et clac, clac, clac, et voilà, ouais, c'est parti. Tout s'est enchaîné. Alors, je me pose la question aujourd'hui, est-ce que c'était vraiment un mariage d'amour, ou c'était aussi bien de son côté que du mien, un mariage pour quitter le nid familial et peut-être prendre un envol dans une autre direction. Alors les choses ont changé depuis, on verra ça dans quelques secondes. On va continuer de parler de cet entourage parce qu'il y a quand même des conseils pertinents sur la relation à l'entourage, sur la valorisation des personnes, celles et ceux qui vous entourent. On va en parler d'ici quelques minutes. Je vous rappelle que si vous souhaitez intervenir avant la fin de cette émission pour réagir au bouquin de Marc Arthur, La chance vous boude, réagissez. C'est maintenant qu'il faut le faire. 070 23 33 23. Ce week-end, Vivacité vous invite à la première de l'événement musical de la rentrée parisienne, Les Trois Mousquetaires, le spectacle musical. Avec Olivier Dion, Damien Sargue et David Bann. Les Trois Mousquetaires, retrouvez-les déjà ce soir dès 19h sur Vivacité. Et samedi dès 10h30 dans le TikTok, Vivacité vous offre vos places pour assister à la première du spectacle le 29 septembre au Palais des Congrès à Paris. Info et bonne humeur, la bande du 8-9 revient demain. De 8 à 9 pour bien démarrer la journée. Vive à Bruxelles. En toute complicité. Sur 99.3 FM. On est toujours gagnant chez Intermarché. Et plus encore, c'est samedi 24 septembre. Pour la journée du client, nous vous offrons un livre de recettes et nous doublons les euros reversés sur votre carte de fidélité. Wow. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Ouvert dimanche et jours fériés, horaire en magasin. Retrouvez les observations et les prévisions météo sur rtbf.be. Avoir toujours la température souhaitée à la maison, c'est simple avec Box, d'Engie Electrabel. Le beau vélo de Ravel, c'est aussi une émission de télévision. Revivez ce 25 septembre, la dernière étape de la saison, celle de Bruxelles sans voiture, comme si vous y aviez participé. Avec les initiations sportives de l'ADEPS, et puis des milliers de beaux héros, escortés par Joël Skoritz et les Magic Systems, dans la capitale la plus verte d'Europe. Ce dimanche après-midi, sur la Une Télé. Avant, pendant et après la balade, les AP sont toujours à vos côtés. I got this feeling inside my bones. It goes electric, wavy when I turn it on. All through my city, all through my home. We're flying up, no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket. Got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body. When it drops, ooh. It's in the air, it's in my blood, it's rushing on. I don't need no reason, don't be control. I fly so high, no ceiling when I'm in my zone. Cause I got that sunshine in my pocket. Got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it. Been so phenomenally. You're more like the way we rock it. So don't stop that. De Justin Timberlake, Can't Stop the Feeling à l'instant sur Viva. Vous êtes dans la vie du bon côté, il nous reste un gros quart d'heure pour parler de chance. Est-ce que vous y croyez? Comment vous tentez de la titiller? Qu'est-ce que vous faites pour rebondir quand cette dite chance ne vous sert pas forcément? 070 23 33 23. 13h, 15h, la vie du bon côté sur Vivacité. Avec Jacqueline qui nous rejoint. Bonjour Jacqueline. Oui, bonjour tout le monde. Soyez la bienvenue. Vous avez lu le bouquin de Marc Arthur? Oui. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Dites-moi tout, Jacqueline. Moi, j'en pense que du bien parce que j'ai connu beaucoup de difficultés aussi dans la vie. Et c'est mon côté positif qui m'a aidé dans toutes circonstances. Qu'est-ce que... Alors attendez, est-ce que vous touchez à quelque chose à votre téléphone en même temps que vous nous parlez ou pas? Rien du tout. Vous êtes en quitte main libre? Oui. Ouais. Vous avez la possibilité de l'enlever ou pas? Le kit main libre. Parce que c'est un... Attendez, je vais vous repasser Anne-Françoise, vous allez régler les choses en dehors de l'antenne, c'est un peu compliqué, on ne comprend pas trop ce que vous nous dites. En tout cas, c'est dommage, on ne peut pas faire autrement, on réessaye, Jacqueline, allons-y. Qu'est-ce que vous cherchiez dans le bouquin de Marc Arthur en abordant ce livre? Disons que ce n'est pas hasard. Que je l'ai lu et j'ai reconnu beaucoup de situations insolites. Ouais, on va s'arrêter là parce qu'on ne vous comprend pas, Jacqueline. La réception ne doit pas être très bonne du côté de chez vous, c'est bien dommage. On essaiera peut-être un peu plus tard avant la fin de cette émission. Les retours, justement, parlons-en de celles et ceux qui ont lu le bouquin. Qu'est-ce qu'ils en ont pensé déjà? Et ensuite, Marc, qu'est-ce qu'ils venaient chercher à la lecture? Bien, les personnes qui ont acheté le livre, il faut bien vous rendre compte qu'au départ, il y avait pas mal de connaissances. Après, je me suis éloigné. J'ai présenté à des commerçants où j'allais faire mes courses habituellement pour lancer, parce qu'il n'était pas encore vraiment sorti en commerce. Et tous les échos que j'ai eu des gens qui avaient acheté ce livre, ils étaient tous positifs. Ils m'ont tous dit « c'est super, c'est bien ce que tu as fait là, ça nous donne vraiment des idées pour faire ceci ou pour faire cela ». Enfin, j'ai eu du bon côté, quoi. Oui. Et là, allez, on parle quand même de 100 à 110 personnes. Au départ, bon, maintenant, on est bien plus loin, forcément, vu que... Le but, c'était ça? Le but, c'était d'aider celles et ceux qui pourraient lire le bouquin, ou c'était juste d'exposer un peu? Non, en fait, ce livre, moi, je l'ai fait principalement parce que ça me démangeait, parce que tout ce que j'avais traversé, je ne pouvais pas le garder pour moi, et j'avais décidé de partager avec le public toutes mes difficultés, et de faire passer le message comme quoi il y a toutes ces possibilités à sortir de l'impasse dans laquelle on se trouve, de par sa motivation, de par sa concentration, son optimisme, et apprendre à avoir une attitude positive, positiver les choses, enfin tout ça quoi. Et j'étais certain que mon vécu se reflèterait à travers des milliers de personnes qu'ils ont connues, peut-être la même chose avec d'autres problèmes, et j'étais certain de pouvoir apporter une solution pour ci, ou un conseil pour ça, en fait d'aider quoi. Le sens était d'aider. C'est vrai que vous aidez dans ce bouquin avec différents conseils, il y en a quasiment à toutes les pages. Je voulais qu'on revienne sur ce qu'on abordait juste avant la pause il y a quelques minutes, sur cette histoire d'entourage, que c'est important aussi de faire attention à son entourage. Ça participe de cette question qui nous occupe cet après-midi. Vous dites qu'il ne faut jamais manquer de valoriser les personnes avec lesquelles on vit, ainsi que celles qui nous entourent. Oui, absolument. Et ça se ressent dans tous les domaines, que ce soit au travail, au niveau familial, avec vos voisins, avec votre époux ou votre épouse. Ouais. Moi, j'estime que quand on traverse des difficultés, c'est pas en critiquant l'un ou l'autre du couple qu'on va arriver à trouver une solution. Moi, je pense qu'il faut pouvoir émettre ses sentiments et de dire « Écoute, ne te tracasse pas, moi je suis là, je m'occupe de ça, j'ai la force pour traverser tel et tel et tel problème, je le fais et je la mets en valeur. » Et j'ai même pas peur de lui dire « Écoute, on s'aime, moi je t'aime et je m'occupe du reste, tranquillise-toi, t'as pas à t'inquiéter, voilà, apaiser ses craintes, apaiser les angoisses et continuer de l'avant. » S'occuper des autres, c'est aussi se tirer soi vers le haut. Voilà. Ada sur le Facebook de La Vie du Bon Côté dit: chance ou pas, il faut prendre la vie du bon côté. C'est pas mal. Ouais. C'est bien résumé. Faut toujours prendre la vie du bon côté. Même quand on est au fond du puits, c'est ce que vous dites dans votre livre. Il est vrai qu'il y a des périodes de découragement, mais ça, on est tous des êtres humains et ça peut arriver à n'importe qui. Mais c'est justement dans ces périodes de découragement qu'il faut aller puiser sur ce qui vous motive. On va revenir d'ici quelques secondes et puis on va récapituler ce que l'on s'est dit, puisque à la fin, enfin dans la deuxième partie plutôt de votre bouquin, on a déjà abordé différentes choses, mais on parlera de la première impression qui est importante, on va parler une nouvelle fois des habitudes, du sourire, et puis au fait de prendre une décision, c'est pas forcément facile pour tout le monde. On y revient dans la fin de cette émission. Salut, c'est Hip et j'ai une grande nouvelle. Cette semaine, dans votre hypermarché Carrefour, offrez-vous une Opel Corsa en leasing privé pour BAM 178 euros par mois, tout compris. Plus d'infos sur directlease.be. Hypermarché Carrefour, les prix bas, le plaisir en plus. Ce samedi, il y a eu plein de gagnants, mais le jackpot loto n'a pas été gagné. Eh ben moi, tant que le jackpot loto n'est pas gagné, je vous raconte des blagues idiotes. Alors attention, que font deux scampis à la montagne ? Du scamping. Du scamping. Jouez donc au loto ce mercredi. Il y a près de 3 millions d'euros à gagner. Ah oui, alors là, j'arrête mes blagues, promis. Merci loto. Vive à Bruxelles. En toute complicité. Sur 99.3 FM. En télé sur la Une. Je crois que nous devons envisager de vous retirer la direction de cette enquête. Est-ce que vous me connaissez ? Chaque tatouage est une clé. On m'a tatoué un couteau de boucher. Chaque clé conduit à un crime. Faites-la disparaître. Spot, 4 épisodes ce jeudi. Sur la Une. Ce dimanche sur Vivacité, c'était encore une fois complètement foot. Pour réécouter les meilleurs moments du premier talk show radio du foot en Belgique, rendez-vous sur vivacité.be. Vivacité présente les Fêtes Romanes, festival des arts de la rue à Volubilis. Cirque contemporain, danse, acrobatie aérienne, jonglerie, théâtre de rue, plus de 70 spectacles à découvrir, mais aussi un immense village vert, la rencontre des créateurs et des animations pour toute la famille. Un événement gratuit les 24 et 25 septembre. Volubilis.be. De temps en temps, je craque sous le poids de l'espérance. Je vais parfois à contresens. De temps en temps, j'ai des flèches plantées au cœur, de la peine, de la rancœur. De temps en temps, je ris de rien. Je fais le con parce que j'aime bien. De temps en temps j'avance en ayant peur. Je suis le fil de mes erreurs. Et très souvent je me relève sous ton regard. Je fais des rêves où tout va bien. Je me bouscule, te prends la main. Au crépuscule je te rejoins. Je me relève sous ton regard. Je fais le rêve d'aller plus loin. Je me bouscule, te prends la main. Du crépuscule jusqu'au matin. De temps en temps je plie sous le poids du sort et des souffrances collées au corps. De temps en temps, je prends des coups dans le dos, des conneries, des jeux de mots. De temps en temps, je regrette l'innocence qu'on peut avoir dans notre enfance. De temps en temps, je veux la paix. Pour moi, je n'ai plus de respect. Et très souvent, je me relève sous ton regard. Des rêves où tout va bien. Je me bouscule, te prends la main. Au crépuscule, je te rejoins. Très bel après-midi avec Vivacité et La Vie du Bon Côté. Dans un peu plus de 5 minutes, il sera 15h. On accueillera toute l'équipe d'aller-retour dans votre région. La Vie du Bon Côté sur Vivacité. Proche de la fin de cette émission, Marc, on a encore pas mal de choses à se dire. Vous insistez aussi sur... Donc on a vu plein de choses cet après-midi, on a vu le sourire, on a vu les habitudes. Vous insistez aussi sur la première impression, la première bonne impression. Oui, absolument. Je suppose que tout le monde a déjà entendu « On n'a jamais une deuxième chance de faire une première bonne impression oui. ». On entend notamment ça dans un vieux film de Benoît Poulvorde. Et en fait, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Ça veut dire tout simplement que le premier contact qu'on a avec une personne sert de filtre déformant. Ça veut dire que si on a jugé que cette personne était désagréable, on va rechercher inconsciemment tout ce qui peut être désagréable chez cette même personne. Ça s'appelle l'effet du halo en psychologie. Donc, il est très important d'avoir une bonne attitude dès le départ. Parce que même si ce que vous pensez réellement fait d'avoir loupé le premier entretien, l'autre personne, votre interlocuteur, il s'est fait une idée et cette idée restera là. Compliqué de passer à autre chose. Ça fait partie des clés que vous décrivez dans votre bouquin qui font avancer et qui nous font être positifs. Vous consacrez aussi quelques lignes à l'art de prendre une décision. C'est pas toujours facile. Non, il faut prendre une décision, mais il faut savoir prendre une bonne décision. Là, de nouveau, je reviens avec ma feuille de papier, deux colonnes. Question, réponse. Le plus, le moins. Plus, moins, et vous allez trouver la réponse. Parmi les autres clés que vous abordez dans le livre, l'écoute, et par là même, ne pas seulement comprendre, entendre, mais véritablement écouter. Oui, absolument, parce que l'écoute, c'est aussi une forme de langage, il ne faut pas l'oublier. Ce n'est pas parce qu'on écoute quelqu'un qu'on ne parle pas. On peut très bien écouter, réellement écouter. Ça prouvera que vous portez un intérêt particulier à votre interlocuteur déjà. Mmh. Et maintenant, y a des gens qui ne vous écoutent pas, qui ne vous entendent pas, et pendant que vous parlez, ils sont déjà occupés de penser à ce qu'ils vont vous raconter après. Alors là, il n'y a même pas de dialogue possible. Oui, dialoguer avec quelqu'un, c'est avant tout l'écouter. Voilà, exactement. On est bien d'accord. Notre conseil aussi, pêle-mêle rapidement, puisque la fin de cette émission arrive, ne jamais aller se coucher avec du négatif en tête. Oui, ça c'est très important. J'ai appris ça il y a 15 ans maintenant. En fait, c'est un ami qui m'avait donné le conseil, je l'ai fait, je l'ai appliqué et je peux vous dire que ça fonctionne à merveille. Jamais aller se coucher sur du négatif, au grand jamais. Si vous avez été contrarié, faites un tour avec votre chien, regardez un film comique, allez prendre l'air, mais n'allez pas vous coucher sur du négatif. Transmettez à vos petites cellules grises vos instructions et vous dormez paisiblement. Et le problème que vous avez en tête, il va se résoudre tout seul. Par votre subconscient et ça découlera 2, 3, 4 jours après. Et je peux vous garantir que ça fonctionne, c'est comme ça que je travaille moi. Et puis on va terminer avec l'une des phrases qui résume un peu bien le bouquin. On est les seuls à pouvoir se dire oui, je suis capable, je peux le faire et je le ferai. N'essayez pas, faites-le, tout simplement. Et ben voilà, ce sera le mot de la fin pour cette émission. La chance vous boude, vous avez tout le détail de ce que l'on s'est dit depuis 13h maintenant. La chance vous boude, réagissez, préfacé par Louis Michel, auteur Marc-Arthur De Waal, qui était votre invité cet après-midi aux éditions Fortuna Édition. Je précise que vous serez en dédicace samedi prochain au Carrefour de Froyenne, c'est bien cela. À partir de quelle heure? À partir de 11h. À partir de 11h et le 30 septembre, vendredi de la semaine prochaine, au Carrefour d'Aisne-Saint-Pierre. Et votre présence également au Salon Mons Livre, ce sera au mois de novembre. Au mois de novembre, oui. On a tout dit ? On a tout dit. Passez une excellente après-midi, merci. Merci beaucoup Thomas. D'être passé par chez nous, on vous met évidemment toutes les informations qu'il vous faut sur le Facebook de La Vie du Bon Côté. Toutes les infos sur le livre de Marc-Arthur De Waal. Demain à cette place, Sylvie Honoré. Avec elle, vous recevrez Patrick Collignon qui est coach. Enfin, Libre d'être moi. On vous présentera ce livre qui vous prouvera que le besoin de reconnaissance derrière lequel on court toutes et tous, eh ben, c'est pas le plus important. Vous verrez ça demain avec Sylvie entre 13h et 15h. Vous avez aussi le détail sur le Facebook de La Vie du Bon Côté. Vous pouvez déjà commencer à réagir si vous le souhaitez. Cette émission sera podcastable à partir de la fin d'après-midi via notre site vivacité.be. Et puis d'ici quelques minutes, on vous propose la météo, les infos de 15h et puis aller-retour dans votre région. Passez toutes et tous une excellente après-midi avec Vivacité. On sort en quart d'heure en ce qui nous concerne. Après-demain, jeudi. Avoir toujours la température souhaitée à la maison, c'est simple avec Box, Denji Electrabel. Bon après-midi à tous. Toujours un grand contraste entre de larges périodes ensoleillées sur le nord et le centre du pays, quelques averses près du littoral et un ciel qui reste résolument gris au sud du Sion-Sambre-et-Meuse avec peu d'évolution cet après-midi. Les maxima iront donc de 14 à 15 degrés sur les reliefs avec 21 degrés attendus sur la capitale. On pourra avoir un petit peu de bruine sur les hauteurs. Demain, le ciel va se dégager davantage et les températures remonteront cette fois entre 16 et 21 voire 22 degrés du côté de la Campine. Même valeur pour jeudi, même si le ciel se couvre davantage en fin de journée. Une zone de pluie très affaiblie pourrait nous atteindre dans la nuit de jeudi à vendredi. Bientôt l'automne. Chez Diffusion Menuiserie, les prix se mettent à tomber aussi vite que les feuilles. Des réductions à ne pas rater sur nos parquets, portes, dressings, lambris, escaliers, châssis et bien d'autres. Profitez de conditions spéciales jusqu'au 3 octobre chez un vrai spécialiste du bois pour votre maison. Diffusion Menuiserie à Cour Saint-Étienne et Gosselies. Bientôt à Anderlecht, préparez-vous à acheter moins cher toute l'année. Mais comment font-ils ? Découvrez-le sur electrodepot.be. Electrodepot. Bienvenue au driving de Renault Motors. Et pour monsieur, ce sera ? Oui, je voudrais la chicken nouvelle Renault Clio, s'il vous plaît. Et comme boisson ? Une grande garantie, arrosée d'une assistance. Un dessert ? Un bouquet d'entretien et durant 5 ans, s'il vous plaît. Dans un compte ? À partir de 139 euros par mois ? Ah, mais c'est parfait, ça ! Bien, monsieur, vous pouvez avancer vers votre concession Renault Motors, c'est la plus proche. Partout dans le Brabant Wallon. Profitez maintenant de l'action automne, des milliers de carrelages à petit prix. Point B. Ce message s'adresse à vous, qui venez de percevoir votre assurance groupe ou de remettre votre entreprise. Pour vous, les conseillers CBC proposent des solutions d'investissement pour faire fructifier cet argent. Ils se montrent proactifs et ils sont à votre écoute à tout moment, plus que jamais dans ce contexte aussi changeant. Investir ? Parlons-en. Rendez-vous sur cbc.be/décider d'investir ou passez nous voir. CBC Banque et Assurance, décidez d'avancer. Vous écoutez Vivacité, il est 15h, voici le journal présenté par Delphine Vreux. Bonjour. Une plaque, un casque et même un permis pour les utilisateurs des vélos électriques, pour les plus rapides, les speed pédélecs comme on les appelle. Le vélo permet d'atteindre les 45 km/h. Une réglementation entre en vigueur dans quelques jours, le 1er octobre. Désormais, tout vélo à moteur qui vous aide à pédaler au-delà de 25 km/h sera considéré comme un cyclomoteur et le deux roues devra donc être immatriculé et assuré. Vous devrez aussi avoir plus de 16 ans pour pouvoir l'enfourcher. Obligez également le casque de vélo cependant. Pour les autres bicyclettes électriques, rien ne change. Une manifestation cet après-midi à Bruxelles et une nuit debout. Des militants belges de Nuit Debout ont prévu de passer la nuit sur le rond-point Schuman après avoir manifesté contre deux